166e nuit. Le tailleur continua de raconter au sultan de Gazgar l'histoire qu'il avait commencée. « Sire, dit-il, le jeune boiteux poursuivit ainsi. Comme j'avais entendu tout ce que le barbier avait dit au cadi, je cherchais un endroit pour me cacher. Je n'en trouvais point d'autre qu'un grand coffre vide, où je me jetais et que je fermais sur moi. Le barbier, après avoir fureté partout, ne manqua pas de venir dans la chambre où j'étais. Il s'approcha du coffre, l'ouvrit, et dès qu'il m'eut aperçu, le prit, le chargea sur sa tête et l'emporta. Il descendit d'un escalier assez haut dans une cour qu'il traversa promptement, et enfin il gagna la porte de la rue. Pendant qu'il me portait, le coffre vint à s'ouvrir par malheur. Alors, ne pouvant souffrir la honte d'être exposé aux regards et aux huées de la populace, qui nous suivait, je me lançai dans la rue avec tant de précipitation que je me blessai à la jambe, de manière que je suis demeuré boiteux depuis ce temps-là. Je ne sentis pas d'abord tout mon mal, et ne laissai pas de me relever pour me dérober à la risée du peuple par une prompte fuite. Je lui jetai même des poignées d'or et d'argent dont ma bourse était pleine, et tandis qu'il s'occupait à les ramasser, je m'échappai en enfilant des rues détournées. Mais le maudit barbier, profitant de la ruse dont je m'étais servi pour me débarrasser de la foule, me suivit sans me perdre de vue, en me criant de toute sa force. « Arrêtez, seigneur, pourquoi courez-vous si vite? Si vous saviez combien j'ai été affligé du mauvais traitement que le cadi vous a fait, à vous qui êtes si généreux et à qui nous avons tant d'obligations, mes amis et moi. Ne vous l'avais-je pas bien dit, que vous exposiez votre vie par votre obstination à ne pas vouloir que je vous accompagnasse. Voilà ce qui vous est arrivé par votre faute. Et si, de mon côté, je ne m'étais pas obstiné à vous suivre pour voir où vous alliez, que serez-vous devenu? Où allez-vous donc, seigneur? Attendez-moi. » C'est ainsi que le malheureux barbier parlait tout haut dans la rue. Il ne se contentait pas d'avoir causé un si grand scandale dans le quartier du cadi, il voulait encore que toute la ville en eût connaissance. Dans la rage où j'étais, j'avais envie de l'attendre pour l'étrangler. Mais je n'aurais fait par là que rendre ma confusion plus éclatante. Je pris un autre parti. Comme je m'aperçus que sa voix me livrait en spectacle à une infinité de gens qui paraissaient aux portes et aux fenêtres, ou qui s'arrêtaient dans les rues pour me regarder, j'entrai dans un khan dont le concierge m'était connu. Je le trouvai à la porte où le bruit l'avait attiré. « Au nom de Dieu, lui dis-je, faites-moi la grâce d'empêcher que ce furieux n'entre ici après moi. » Il me le promit et tint parole. Mais ce ne fut pas sans peine, car l'obstiné barbier voulait entrer malgré lui, et ne se retira qu'après lui avoir dit 1000 injures. Et jusqu'à ce qu'il fût rentré dans sa maison, il ne cessa d'exagérer à tous ceux qu'il rencontrait le grand service qu'il prétendait m'avoir rendu. Voilà comme je me délivrais d'un homme si fatigant. Après cela, le concierge me pria de lui apprendre mon aventure. Je lui racontai. Ensuite, je le priai à mon tour de me prêter un appartement jusqu'à ce que je fusse guéri. « Seigneur, me dit-il, ne seriez-vous pas plus commodément chez vous ?»« Je ne veux point y retourner, lui répondis-je. Ce détestable barbier ne manquerait pas de venir m'y trouver. J'en serais tous les jours obsédé. » Et je mourrais à la fin de chagrin de l'avoir incessamment devant les yeux. D'ailleurs, après ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je ne puis me résoudre à demeurer davantage en cette ville. Je prétends aller où ma mauvaise fortune me voudra conduire. Effectivement, dès que je fus guéri, je pris tout l'argent dont je crus avoir besoin pour voyager, et du reste de mon bien, j'en fis une donation à mes parents. Je partis donc de Bagdad, seigneur, et je suis venu jusqu'ici. J'avais lieu d'espérer que je ne rencontrerais point ce pernicieux barbier dans un pays si éloigné du mien. Et cependant, je le trouve parmi vous. Ne soyez donc point surpris de l'empressement que j'ai à me retirer. Vous jugez bien de la peine que me doit faire la vue d'un homme qui est cause que je suis boiteux et réduit à la triste nécessité de vivre éloigné de mes parents, de mes amis et de ma patrie. » En achevant ces paroles, le jeune boiteux se leva et sortit. le maître de la maison le conduisit jusqu'à la porte, en lui témoignant le déplaisir qu'il avait de lui avoir donné, quoiqu'innocemment, un si grand sujet de mortification. Quand le jeune homme fut parti, continua le tailleur, nous demeurâmes tous fort étonnés de son histoire. Nous jetâmes les yeux sur le barbier et dîmes qu'il avait tort si ce que nous venions d'entendre était véritable. Messieurs, nous répondit-il en levant la tête qu'il avait toujours tenue baissée jusqu'alors, le silence que j'ai gardé pendant que ce jeune homme vous a entretenu vous doit être un témoignage qu'il ne vous a rien avancé dont je ne demeure d'accord. Mais, quoi qu'il vous ait pu dire, je soutiens que j'ai dû faire ce que j'ai fait. Je vous en rends juge vous-même. Ne s'était-il pas jeté dans le péril, et sans mon secours, en serait-il sorti si heureusement? Il est bien heureux d'en être quitte pour une jambe accommodée. Ne me suis-je pas exposé à un plus grand danger pour le tirer d'une maison où je m'imaginais qu'on le maltraitait? A-t-il raison de se plaindre de moi et de me dire des injures si atroces? Voilà ce que l'on gagne à servir les gens ingrats. Il m'accuse d'être un babillard, c'est une pure calomnie. De 7 frères que nous étions, je suis celui qui parle le moins, et qui est le plus à esprit en partage. Pour vous en faire convenir, Seigneur, je n'ai qu'à vous conter mon histoire et la leur. Honorez-moi, je vous prie, de votre attention. Histoire du barbier. Sous le règne du calife Mostanser Billa, prince si fameux par ses immenses libéralités envers les pauvres, 10 voleurs obsédaient les chemins des environs de Bagdad et faisaient, depuis longtemps, des vols et des cruautés inouïes. Le calife, averti d'un si grand désordre, fit venir le juge de police quelques jours avant la fête du Bayram et lui ordonna, sous peine de la vie, de les lui amener tous 10.